إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 14 dans l'explication du livre Zajr al-Mutahawin بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. Et c'est un livre écrit par le Cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Uthman, et il réfute dans ce livre la règle des ikhwan نتعاون فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. C'est-à-dire, on s'aide entre nous, on coopère ensemble dans les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on a des divergences. Et donc, on explique les problèmes et les erreurs qui existent dans cette formule et dans cette règle. Et Inch'Allah, on va Inch'Allah essayer de faire comprendre de plus en plus à nos frères et à nos sœurs la réalité de ces questions en ce qui concerne la divergence et la position des salafs, le manhaj des salafs face à la divergence. Aujourd'hui, le premier point qu'on va commencer à expliquer, c'est un point qui s'appelle ou qui s'intitule تبيين الأخطاء واجب, c'est-à-dire de clarifier les erreurs, c'est quelque chose d'obligatoire. Le cheikh il dit ومن المعلوم أن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ولم يعصم الله أحدها من الخطأ لا صديقا ولا غيره وهذه الأمة لا يظهر أهل لا يظهر وهذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا فإذا وقع بعض هذه الأمة في خطأ لا فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب ويبين هذا الحق الذي يجب اتباعه والخطأ الذي يجب اجتنابه. Le cheikh il commence ce chapitre ou ce point en disant c'est une chose qui est très connue, qui est connue que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé cette umma contre le fait de se réunir sur l'égarement. Donc cette umma elle est protégée contre le fait de se réunir ensemble sur les sur qu'est-ce qui est égarement. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est comme comme on dit la tajtami'u, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tajtami'u ummati ala dalala, c'est-à-dire ma umma ne va pas se réunir sur l'égarement. Donc c'est possible qu'il y ait certains individus qui peuvent tomber dans l'égarement, ou certaines parties, ou certains morceaux de la Ummah qui tombent dans l'égarement, mais toute la Ummah en entier être d'accord sur un égarement, c'est pas possible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé la Ummah de cette chose. Donc même s'il y a un groupe de la Ummah qui tombe dans l'égarement, dans l'erreur, il y aura toujours une autre partie, il y aura toujours une autre partie de la Ummah qui va être sur la vérité. D'accord? Et donc, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas protégé chaque individu de la Ummah. Mais en tant qu'un tout, la Ummah elle est protégée en elle-même, dans le sens que quand on parle de la Ummah en général. Mais en tant qu'individu, on n'est pas, il n'y a personne qui est infaillible ou protégé de l'erreur. Peu importe qu'il soit siddiq, ou bien qu'il soit autre. Peu importe le niveau et le degré de piété ou de foi qu'il peut avoir, il peut se tromper. C'est ça l'explication du cheikh. Hein? Et ça, on voit que c'est en contradiction totale avec les compréhensions et les manahij des Soufia et des Shia Rafida, comme on l'a expliqué hier, qui eux croient que leurs imams et que leurs shuyukh, hein, qui sont un peu comme des gourous pour eux, eux ils les considèrent comme étant des hommes infaillibles, qui ne peuvent pas faire d'erreur. Et donc ils les suivent dans tout ce qu'ils disent, que ce soit vrai ou faux, sans exception. Hein. Donc le Cheikh il dit wa hadhihi l'umma, donc il dit cette umma, c'est pas possible que les gens qui sont sur le mensonge et l'égarement ou qui sont sur la fausseté dans cette umma aient le dessus sur les gens de la vérité. C'est pas possible. Dans le sens que il peut y arriver pendant un certain temps, par exemple, là, le Cheikh il dit pas ça, mais je rajoute ça, comme le Cheikh Al-Fawzan il a expliqué dans le Kitab al-Tawhid, dans le Sharh Kitab al-Tawhid, il disait que c'est possible que pour un petit temps, les gens du mensonge prennent le dessus sur les gens de la vérité, mais c'est jamais quelque chose de permanent, hein. C'est quelque chose qui va être temporaire pour éprouver les hommes et pour les tester, hein. Pour voir qui est pour la vérité et qui est pour le mensonge. Et le Cheikh, il dit ensuite, فَلَا يَكُنُ الْحَقْ مَهْجُورًا فَإِذَا وَقَعَ بَعْضُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي خَطَأٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقِيمَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّوَابِ. Donc, il dit que, il faut que, même si, il n'y a pas, donc, comme on a dit, les gens du mensonge ne vont pas prendre le dessus sur les gens de la vérité. Et la vérité ne va pas être complètement délaissée. Hein, il y aura toujours une partie de la Ummah qui vont suivre la vérité quand même si la grande majorité vont s'égarer parfois. Et il dit que s'il y a certains de la Ummah qui tombent dans l'erreur, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, Allah doit ramener, hein, ou bien mettre une partie de la Ummah qui va s'établir sur la vérité quand même. Hein. Même s'il y a une partie de la Ummah qui tombe dans l'erreur, il faut qu'il y ait une autre partie de la Ummah qu'Allah établit sur la vérité. Et qui clarifie la vérité pour les autres, hein, qu'il faut obligatoirement suivre, qui clarifie également l'erreur qu'il est obligatoire d'éviter et de s'en écarter. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Majmu' al-Fatawa au volume 19, à la page 123. Il dit: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الإقرار على الخطأ بخلاف الواحد من العلماء والأمراء، فإنه ليس معصوما من ذلك، ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه، وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء. Donc le Cheikh, l'imam Ibn Taymiyyah, il dit que les prophètes sont protégés, hein, de rester continuellement sur une erreur. Donc ça peut arriver que des prophètes se trompent, mais ils ne vont pas rester sur l'erreur. Allah va les corriger, hein, et ils vont revenir de leur erreur sur le champ. Contrairement aux ulama et aux dirigeants, qui peuvent parfois faire des erreurs puisqu'ils ne sont pas protégés de rester sur l'erreur. Et donc, dans des cas comme ça, il est obligatoire, il dit yasuru, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est correct, qui est permis, même que c'est obligatoire de clarifier la vérité qui est obligatoire de suivre et de clarifier également l'erreur parmi les erreurs des savants et les erreurs des dirigeants. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire de le faire pour pas que la Ummah reste dans l'égarement. Hein. Donc ça, c'est la fin de la citation de Ibn Taymiyyah. Mais je disais, c'est que c'est obligatoire qu'on clarifie les erreurs des ulama et des umara. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'il y a des gens qui ont ils détestent le fait qu'on critique les erreurs d'un savant ou d'un individu, parce que il considère que ça c'est une cause de fitna ou que c'est une cause de problème. Et bien entendu, c'est une mauvaise compréhension que ces gens-là ont. Pourquoi? Parce que la clarification de la vérité, c'est quelque chose qui est fondamental pour protéger la vérité et pour protéger les croyants de l'égarement et de l'erreur. Si les gens se taisent de quand quelqu'un fait une erreur parce que c'est un savant, parce que c'est un homme important, alors qu'est-ce qui va arriver par la suite? Les gens vont mélanger la vérité et le faux et on ne pourra plus distinguer entre les deux par la suite. Et donc c'est très dangereux de cacher la vérité et de ne pas la réfuter quand elle arrive, quand elle se produit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cette réfutation-là qu'on fait, elle doit être basée sur la science et sur la compréhension. Hein? Et si la réfutation n'est pas basée sur la science et la bonne compréhension, eh bien, bien entendu, ça va rajouter des problèmes aux problèmes. Et donc, c'est pour ça que la réfutation des gens de Bid'a, hein, lorsqu'ils essaient de réfuter une erreur, les gens de Bid'a, ils rajoutent d'autres erreurs. Et c'est pour ça que c'est uniquement les gens de Ahl-Sunnah qui sont capables de faire des réfutations qui sont réelles et qui sont basées sur la science. Hein? Parce qu'ils ne vont pas rajouter d'erreur à l'erreur si cette réfutation-là elle est basée sur les principes et les bases de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc je vais continuer les paroles du Cheikh. Il dit « Wa hadha at-tabyin huwa min inkar al-munkar wa huwa li hifz al-shari'ah wa siyanatiha an an tulzama bil khata an tulzama bi akhta al-ulama wa huwa min an-nasihati lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. » Le Cheikh il dit de clarifier les erreurs et de montrer la vérité. Ça fait partie de Inkar al-Munkar. Ça fait partie de dénoncer un mal lorsque le mal se produit. Donc ça fait partie de l'amr bil ma'ruf wa an-nahy an al-munkar. Et le but de clarifier les erreurs de quelqu'un lorsqu'il fait des erreurs, c'est pour protéger la charia. Hein? Et c'est pour éviter justement que la umma reste pris dans les erreurs que des ulama peuvent faire. Et ça fait partie donc de donner la nasiha pour Allah et au livre, hein, de donner la nasiha à Allah, à son livre et à son messager. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui parle de ad-dinun nasiha. Hein? Donc ça fait partie de an-nasiha. Ok? Et donc tout ça c'est des choses qui sont fondamentales. Et ça fait également partie de clarifier la vérité, comme on l'a dit. Et donc, il faut qu'il y ait des réfutations des savants contre les gens de Bid'a. Il faut qu'il y ait des réfutations des savants. Les savants vont réfuter les kuffars. Les savants doivent réfuter les munafiqis. Les savants doivent réfuter les mushrikins. Les savants doivent réfuter les mubtadi'a. Les savants doivent réfuter non seulement tous ces gens-là qu'on a mentionnés, mais ils doivent aussi réfuter à l'intérieur de l'islam les ulama qui ont fait des erreurs dans les questions de l'islam et dans les questions de religion. Et ils doivent également réfuter et clarifier les erreurs qui se font, même des ulama qui sont parmi les salafis, qui peuvent parfois faire des erreurs. Hein. Donc, il faut comprendre que peu importe de qui se produit l'erreur, on doit la clarifier, on doit la corriger et la réfuter. Mais selon le groupe à qui la personne qui a fait l'erreur appartient, la réfutation va être différente d'un groupe à l'autre. Et bien entendu, si un savant réfute un autre savant qui est sur les bonnes bases et sur la salafia ou bien sur le bon manhaj et sur la bonne compréhension de l'islam et qui a fait une erreur, il y aura une réfutation qui va être faite, mais qui va être faite avec douceur et avec comment je pourrais dire, ce sera fait avec douceur, ce sera pas fait avec agressivité ou avec dureté, hein, ça va être une réfutation qui va être faite avec politesse et avec respect. Tandis que ça dépend pour une autre catégorie, ça peut être une réfutation aussi qui va être fait avec une certaine douceur aussi, mais dans certains cas, peut-être que les savants vont utiliser un peu d'agressivité ou un peu de dureté, justement pour remettre la personne à sa place, hein, et lui faire comprendre qu'elle a transgressé, justement pour la faire revenir au droit chemin. Parfois, c'est une méthode que les savants utilisent aussi, mais il y a des gens qui n'acceptent pas ça, ils n'approuvent pas de cette méthode-là, ils trouvent que c'est quelque chose qui est dur ou qui manque de respect ou des choses de ce genre, parce qu'ils ne comprennent pas le contexte parfois pourquoi cette méthode ou ce ton avait été utilisé pour réfuter un individu en particulier. Et ça revient souvent à une question d'ijtihad de la part des ulama, à savoir quand est-ce qu'il faut utiliser une méthode ou l'autre. Donc ça c'était juste un commentaire en passant de ma part. Après le cheikh il dit wa qala al hafiz ibn rajab rahimahullah dans jami al ulum wal hikam à la page 85 il dit l'imam ibn rajab wa min anwa' al nush lillah ta'ala wa kitabihi wa rasulih huwa ma yaqtas bihi al ulama رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها وهذا الأصل العظيم شوش عليه دعاة انتهى كلامه. Donc on va expliquer cette parole de l'imam Ibn Rajab. J'oublie toujours de m'arrêter à la fin de la citation. Les paroles de l'imam Ibn Rajab rahimahullah dans Jami' al-Ulumi wal-Hikam, il dit parmi les catégories de donner an-nasiha pour Allah, et en passant an-nasiha, ça peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes, comme quand on le traduit en langue française, on dit an-nasiha, on dit c'est le bon conseil. Toutefois, selon le cas, ça peut avoir différentes significations. Comme par exemple, an-nasiha pour Allah, c'est pas la même chose que an-nasiha pour le livre, le Coran, et c'est pas la même chose aussi nécessairement pour le messager et pour les musulmans en général et pour les dirigeants, dans le sens que ça implique plus que le bon conseil. An-nasiha, ça implique plus que seulement le bon conseil. An-nasiha, ça implique également la sincérité, ça implique al-ikhlas, al-sidq, et ça implique beaucoup d'autres choses. Donc, mais c'est toujours dans le sens d'être sincère et d'être véridique, et également d'avoir de la sincérité et de la pureté dans nos intentions aussi, et de vouloir défendre et aider la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, de défendre son livre et son messager, ainsi de suite. Donc tout ça, ça a rapport avec ça, et c'est pour ça le cheikh il dit parmi les choses qui ont rapport avec le fait de donner la nasiha à Allah, à son livre et à son messager, parmi les choses qui sont spécifiques aux ulama, qui se rapportent spécifiquement aux ulama, parce que c'est pas tout le monde qui peuvent réfuter les erreurs des gens ou clarifier les erreurs. Il faut que ce soit fait par des savants, il faut que ce soit fait en se basant sur les principes de l'islam et les bases des preuves du Coran et de la Sunna. Donc le cheikh il dit le fait qu'il réfute les gens de passion, les gens de la passion égarante, ou des passions qui sont les causes de l'égarement, et il se base sur ces réfutations-là sur le Coran et sur la Sunna, selon le contexte et les compréhensions qui sont dans le Coran et dans la Sunna, et selon les preuves également qui sont tirées du Coran et de la Sunna pour réfuter ceux qui ont contredit le Coran et la Sunna, et donc il réfute toutes les passions qui sont reliées à ces contradictions-là. Et de même qu'ils doivent aussi réfuter les paroles qui sont pas solides, qui sont pas basées sur des preuves solides, ou qui sont pas solides en elles-mêmes, parmi les erreurs de certains savants. Donc tout ça, ça fait partie de clarifier la vérité et d'expliquer les preuves du Coran et de la Sunna contre celui qui a fait ces erreurs-là pour la réfuter. Donc c'est comme ça, c'est ça le principe. Donc ça c'est la fin de la citation ici de Cheikh Hafiz Ibn Rajab, et donc c'est ça le principe, c'est qu'il faut réfuter les égarements, et il faut également réfuter les paroles qui ont été faites qui sont faibles, qui sont des opinions faibles, qui sont en contradiction avec les preuves du Coran et de la Sunna, et qui sont des fautes et des erreurs de certains savants. Ensuite le Cheikh il dit وَهَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ شَوَّشَ عَلَيْهِ دُعَاتُ التَّجْمِيرِ فصاحوا بمن قام بهذا الأصل العظيم وسموا من قام بهذا الواجب بداعية الفتنة وهذا مقام خطر فإن الأخطاء والبدع تصان طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة لما فيه من صيانة الباطل ومحاربة من ينكره بل وصل بهم الأمر أن نزلوا نصوص الخوارج في حق المنكرين فقالوا عنهم خوارج مع الدعاة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Donc le cheikh il dit ici que ça c'est un, donc c'est un des fondements qui est un des grands fondements de l'islam, et il y a ce qu'on appelle du'at al-tajmi', et qui sont les du'at al-tajmi', c'est les groupes des gens qui appellent à réunir les gens pour les réunir seulement, du'at al-tajmi', et parmi ces gens là bien entendu il y a les ikhwan, et il y a les gens de ces tendances là qui veulent juste dire qu'on rassemble tout le monde ensemble sans distinguer entre la vérité et le faux, sans distinguer entre les questions de aqida, sans distinguer entre les questions de manhaj. On prend tout le monde et on les mélange tous ensemble et on les réunit tous ensemble sur une cause ou sur une idée, yani, et on va pas faire de réfutation les uns les autres, hein. Donc ces gens-là, ils ont essayé de faire du bruit autour de cette question de réfutation des erreurs des savants. Pourquoi? Parce que ça vient en contradiction avec leur manhaj. Eux, étant donné qu'ils veulent réunir tout le monde, s'ils commencent à réfuter les gens qui font des erreurs, eh bien, ça vient en contradiction avec leurs principes et avec leur idée de vouloir réunir les gens. Parce que si les gens se font réfuter, si les gens ils sont sur quelque chose de faux, ou sur une bid'ah, ou sur un égarement, et que nous, on clarifie cet égarement, et on clarifie cette erreur, et on clarifie cette contradiction, eh bien, bien entendu, ça vient en contradiction avec leur objectif. Et donc, ils considèrent que ça, c'est une forme de fitna. Ils disent, ah, ces gens-là, les salafis, hein, ils appellent à la fitna. Ils appellent à faire la fitna. Et donc, c'est quelque chose de très dangereux. Leur attitude est très dangereuse. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, dans ce cas-là, les erreurs et les bid'ahs sont protégés par ces gens-là. Ils les défendent. Ils vont défendre les erreurs et ils vont défendre les gens qui font ces erreurs et qui font ces bid'ahs, hein, soi-disant dans le but d'éviter ou d'éloigner la fitna. Et ils ignorent qu'en faisant ce genre de choses-là et en adoptant ce genre d'attitude, ils ne repoussent pas la fitna, mais au contraire, ils font agrandir la fitna. Parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est de protéger la fausseté et de combattre ceux qui veulent corriger ou réfuter ce mensonge ou cette fausseté. Et donc, ils se placent comme défenseurs de la fausseté et défenseurs du mensonge. Et c'est là qu'apparaît la fitna. Donc, beaucoup de gens, ils disent, les gens qui réfutent les erreurs des autres, c'est des gens qui font la fitna. Et à chaque fois qu'il y a une réfutation qui apparaît d'un savant ou d'un cheikh ou d'une personne qui a fait des erreurs, les gens disent, ah ça y est, lui il amène la fitna. Non, il amène pas la fitna, au contraire, c'est dans cette réfutation là qu'il y a la réponse à la fitna, dans le sens que cette fitna là va pouvoir mourir, va pouvoir s'éteindre grâce à cette réfutation, hein, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis à cette réfutation bien sûr. Parce que c'est par la réfutation que la vérité va être clarifiée. Hein. Et par expérience, hein, une des meilleures manières de comprendre la vérité et de comprendre et de clarifier la vérité au sujet d'une question, c'est de lire les livres qui ont été écrits par les ulama pour réfuter les erreurs des gens de bid'a et d'égarement. Et c'est en lisant ces livres de réfutation là que tu vois vraiment la clarté et la réalité, dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur, et que tu vois également le mensonge et l'erreur dans toute sa laideur et dans tout son égarement, hein? Parce que ça clarifie les positions, hein? Et ça nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe et où, qui est avec qui est avec quoi. Et où se tient la vérité et où se tient l'égarement. Et donc ça c'est très important. Mais bien entendu à condition, encore une fois, que cette réfutation soit basée sur la science et sur le bon manhaj. Parce que si celui qui est sur l'erreur essaie d'écrire une réfutation, il va se baser sur ses passions et non pas sur la vérité. Donc le cheikh il dit ici que ces gens-là, au lieu de diminuer la fitna, ils augmentent la fitna. Et c'est même arrivé à un point où certains d'entre eux ont voulu appliquer les textes qui ont été révélés au sujet des khawarij et de les appliquer sur ceux qui réfutent les mubtadi'a et ou bien les gens qui font des erreurs. Hein? Et ils disent à leur sujet, vous êtes des khawarij avec les gens qui font la da'wah et yani, vous êtes des... Hein, le cheikh il mentionne juste cette partie là parce qu'il y a une suite à cette parole. Ils disent vous êtes des khawarij avec les du'at, vous tuez les gens de l'islam et vous laissez les gens des idoles, qui adorent les idoles. Donc ça c'est le slogan qu'ils disent. Le cheikh il a juste mis une partie de leur slogan, hein, c'est vous êtes des khawarij avec les du'at. C'est qui les du'at pour eux? Les du'at c'est ceux qui appellent à la bid'a ou qui appellent à des contradictions de la sharia, qui appelle à la révolte, qui appelle à la rébellion, qui appelle aux démonstrations, qui appelle au coup d'État, qui appelle à toutes sortes de choses qui sont contraires au manhaj des salafs. Donc, eux, ils les considèrent comme étant les seuls du'at. Hein, pour eux, c'est eux les du'at. Hein, des tullab ilm, des petits débutants en sciences islamiques. Et ils laissent, comme on a dit hier, ils délaissent les grands ulama qui interdisent les choses que ces gens-là sont en train de faire. Et donc, ils disent, ah, ça, c'est des savants. C'est pas des savants qui comprennent la réalité du monde actuel. Parce que s'ils comprenaient la réalité du monde actuel, ils parleraient pas de ça. Et il y a une autre tendance maintenant parmi les occidentaux ici, au Canada, aux États-Unis. Je sais pas si en Europe c'est la même chose. Mais ils disent aux gens, il faut pas ramener les problèmes de l'Est ici, en Occident. Il faut pas parler des problèmes qui se passent qu'est-ce qui se passe à l'Est, dans les pays musulmans, dans les pays arabes, ou non arabes, il faut pas les ramener en Occident. Donc, c'est-à-dire, il faut pas en parler. Le problème, c'est que c'est eux qui ramènent souvent ces problèmes-là. C'est pas les gens qui réfutent les gens de bid'a. C'est pas les salafis qui ramènent la fitna. Souvent, ce sont eux les hizbiyin, hein, et les gens qui suivent les passions, qui ramènent ces fitna et qui les traduisent en français pour les gens qui parlent pas arabe, ou qui les traduisent en anglais pour les gens qui parlent pas arabe, et qui commence à appeler les gens à ces égarements-là et à ces fitnas. Et par la suite, on est obligé de les réfuter et de clarifier la vérité à leur sujet. Et après, ils nous disent, vous faites la fitna. Hein? Et ils nous disent, pourquoi vous parlez de ces gens-là? Les gens, ils les connaissent même pas. Ils savent même pas qui sont ces gens-là. Oui, mais justement, pourquoi vous appelez les gens à dire que... Pourquoi vous appelez les gens vers ces gens-là, qui sont des gens qui font des erreurs dans les pays musulmans, ou parmi les chouyours qui sont en contradiction avec la sunna? Et vous les présentez aux gens comme si c'était des références. Eh bien, ça nous force par la suite à devoir clarifier la réalité à leur sujet. Et ça nous amène dans d'autres questions qui par la suite, qui à la base auraient pu être évitées si ces gens-là se seraient tués et qui se seraient concentrés uniquement sur le fait d'appeler à la vérité et au tawhid et à la sunna et aux principes de l'islam. Malheureusement, il faut qu'ils amènent également leurs contradictions et leurs shubuhat également. Et donc, on est obligé de les réfuter. Et c'est pas qu'on laisse, comme ils disent, les khawarij avec les du'at. Ils disent cette shubha qu'ils laissent au sujet des gens qui appellent à la critique et à la correction des erreurs, elle avait été donnée même par les gens de bid'a dans le passé. Ils appelaient les gens de Ahl Sunnah des khawarij. Regardez, par exemple, le cheikh dit « Ahl al-basair » يعرفون ويدركون أن هذا بهتان وأن هؤلاء سلكوا سبيل أسلافهم في قذف أهل الإيمان بخلال الخوارج. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن أنتم بهذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعانيه فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم نصبوا إليه شيعة الإيمان. Donc le cheikh il dit, les gens qui ont une bonne compréhension, qui connaissent les choses, ils savent qu'est-ce qu'il y a derrière cette calomnie, hein, lorsqu'ils disent ce genre de choses au sujet des gens qui sont sur la voie des salafs, en les accusant d'être des khawarij avec les du'at. Ils ont suivi la voie de leurs prédécesseurs qui accusaient les gens de la foi d'être des Khawarij. Regardez l'imam Ibn Qayyim dans An-Nuni, il disait, et ça c'est étonnant, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ceux qui suivent la Sunna et le Coran. Ils ont dit, ceux-là sont comme les Khawarij, ils ont pris les textes dans leur sens apparent et ils n'ont pas compris la signification. Il dit, regardez cette calomnie que ces gens-là par lesquels ils nous décrivent, hein, ils ont attribué ces caractéristiques-là au groupe de la foi, au parti de la foi, hein, c'est-à-dire les gens qui suivent le Coran et la Sunna. Ça, c'était une de leurs méthodes dans le passé. Aujourd'hui encore, vous trouvez les soufiyines et les Asha'ira et les autres groupes de ces tendances-là, sur les groupes de bid'a aujourd'hui, sur les sites de bid'a, hein, qui accusent les salafiyines d'être des khawarij, qui accusent les wahhabis d'être des khawarij. Et ça, c'est une de leurs méthodes qui était bien connue dans le passé. Pourquoi? Parce que ces gens-là ignorent qu'est-ce que c'est être un khariji. Ils ne savent même pas c'est quoi la bid'a des khawarij. Ils ne la connaissent pas. Et ils ne savent pas qu'il y a une différence entre le fait de faire le takfir de quelqu'un par rapport au fait qu'il est, par exemple, en train de faire un péché, comme les khawarij le faisaient, et ou bien le fait de dire que quelqu'un est un kafir ou mushrik parce qu'il commet un acte de shirk en invoquant ou en adorant d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une différence entre les deux, mais ces gens-là ne font pas de différence entre les deux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est shirk et ils ne savent pas qu'est-ce qui est tawhid. Et donc, puisqu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est la différence entre le shirk et le tawhid, eh bien, ils considèrent que ceux qui interdisent le shirk, hein, ils considèrent que ce sont des khawarij et qu'ils font sortir les gens de l'islam en se basant sur des péchés, hein, alors que non, le shirk akbar, c'est pas un simple péché, hein, c'est le plus grand des kaba'ir qui fait quitter quelqu'un la foi. Donc ça, c'est important. Et également, donc il y a d'autres exemples à ce sujet là mais on va se limiter à ça pour maintenant. Le shaykh dit wa hakada, il continue donc, il dit وهكذا يرد هؤلاء الحق ويدفعونه بالتهويش وبوصفه بأقبح الأوصاف لينفر الناس عنه. قال كما قال ابن القيم وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ القبيح. Donc le cheikh, il dit que c'est de cette façon là que ces gens là rejettent la vérité. Et il la repousse avec toutes sortes de futilités et de mauvaises, ils décrivent la vérité et les gens qui suivent la vérité par les plus laides descriptions et les plus laides caractéristiques, qualifications, pour faire fuir les gens. Et regardez, regardez, il y a des gens parfois, des gens qui cherchent la vérité et qui veulent savoir qu'est-ce que c'est la da'wa salafia, qu'est-ce que c'est le manhaj des salafs. Et donc, ils s'en vont demander à des gens pour demander, parce qu'ils sont, ils sont naïfs, ils sont innocents, ils savent pas. Alors, ils vont demander à des gens, je m'excuse mon frère, je m'excuse ma sœur, j'ai entendu parler de ce qu'on appelle des salafis, et j'ai entendu parler du manhaj salafi, et je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est correct d'être salafi? Et là, tu les vois, qu'est-ce qu'ils répondent, ces gens-là? Ils répondent avec des caractéristiques, ils décrivent les salafis par les pires attributs et les pires caractéristiques pour faire fuir les gens du manhaj des salafs et de la voie des salafis. Ils disent par exemple, ah non, ces gens-là, ce sont des gens, ils sont durs, ils déclarent tout le monde comme ci, comme ça, ils traitent les gens comme ça. Donc ils se basent sur des stéréotypes, hein, et ils se basent sur des stéréotypes et sur l'ignorance, hein, et ils se basent sur des expériences personnelles qu'ils ont vécues, au lieu de ramener les gens au texte, au lieu de ramener les gens aux preuves, au lieu de ramener les gens aux écrits des savants et à la compréhension des ulama. Non, ils le ramènent à qu'est-ce que des gens font au nom de la salafie, ou parfois qu'est-ce qu'ils font au nom de l'islam, hein? Puis ils disent, oh, regardez qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, parce que c'est des gens qui ne sont pas honnêtes, malheureusement. Et donc le cheikh, il mentionne les paroles, une petite phrase de l'imam Ibn al-Qayyim dans Miftah Udar al-Sa'ada, volume 1 à la page 444. Il dit, et combien de vérité a été rejetée parce que on l'a décrit par les, des, on l'a, on lui a fait porter quelque chose de laid, et on l'a décrit, ou on en a parlé avec des paroles laides, hein. On en a parlé d'une façon qui est laide, et on l'a décrit d'une manière qui est laide. On lui a fait porter un vêtement laid, et à cause de ça, les gens ont rejeté la vérité, hein. Regardez, par exemple, quand des chrétiens vont poser des questions au sujet de l'islam à d'autres chrétiens ou à d'autres personnes, hein. Et moi, je me souviens même, ma propre mère, hein, avant l'islam, moi, quand je me suis converti, ma propre mère, elle était allée demander à un prêtre, hein, au sujet de mon choix, du fait que je me suis converti à l'islam. Elle a demandé au prêtre, quand elle était allée à l'église, elle est allée voir le prêtre après la messe. Elle lui a dit, mon fils, il est converti à l'islam. Eh ben, le prêtre, il lui a répondu, il lui a dit, votre fils, il est en enfer. Il va aller en enfer. C'est comme ça que le prêtre a répondu à ma mère. Et donc, maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, elle s'est convertie à l'islam. Parce qu'elle a compris que c'est pas logique qu'est-ce que le prêtre a répondu. Hein? Et ça, c'est des choses que les prêtres, ils vont pas dire en public devant les gens. Mais quand ils parlent entre eux, là, c'est comme ça qu'ils parlent. Hein? Ils vont dire, les musulmans sont dans l'enfer. Et c'est comme ça qu'ils croient. C'est ça leur croyance réelle. Mais ils vont pas le dire devant les gens. Hein? Donc, c'est pour ça que lorsque des gens qui sont sur le mensonge et qui suivent leur passion, ils décrivent les gens qui suivent la vérité par les plus laides descriptions. Hein, sans retourner sur une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, وَلَوْ تُرِكَ هَذَا الْأَصْلِ لَعَلَى الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ وَالْخَطَأُ عَلَى الصَّوَابِ وَالْغَيُّ عَلَى الرَّشَادِ وَالسُّنَّةُ عَلَى الْبِدْعَةِ فَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُبْتَدِعَةَ هُمْ خَوَارِجُ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا عَلَى الشَّرْعِ الْمُنَزَّلِ الْمُنَزَّلِ بأهوائهم قالوا قال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون كما لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان لا يحسن أيضا أن يعفى عمن ابتدع في الأديان لأن فساد الأديان والابتداع كفساد الدول بالخروج على الملك والاستتباع فالمبتدعون خوارج الشرائع خوارج الشرائع. Donc le cheikh il dit que si on abandonne ce fondement et cette base de dire par exemple qu'on doit réfuter les gens qui font des erreurs et les gens qui font des bid'ah, hein, et les gens qui contredisent la vérité, si on doit abandonner ça, eh bien, le cheikh, il dit, ça veut dire que le mensonge et la fausseté va prendre le dessus sur la vérité. Et que l'erreur va prendre le dessus sur qu'est-ce qui est correct. Et que la déviation va prendre le dessus sur la droiture et sur la rectitude. Et la sunna va prendre la bid'a va prendre le dessus sur la sunna. Hein? Et donc, ça, c'est pour dire que si on abandonne cette voie, il y aura des problèmes. Et donc, c'est Allah qui nous suffit, et c'est lui le meilleur des garants. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'on doit retourner à ce manhaj et le suivre comme il faut. Hein? Et que c'est pas parce que on réfute les erreurs de quelqu'un que c'est mauvais. Hein? C'est comme un frère dernièrement, Abu Muhammad Al-Maghribi, qui est venu qui est imam à New Jersey. Il est venu ici donner une conférence. Après la conférence, on a discuté un peu, on parlait de certains sujets. Il a dit, les gens de Bid'a, quand ils sont morts et qu'ils sont dans leur tombe, ils sont contents du fait qu'on est en train de corriger et réfuter les erreurs qu'ils ont faites. Hein? Ils vont remercier ces gens-là, ils vont remercier les ulama qui ont réfuté leurs erreurs au jour de la résurrection. Parce que, à cause de leur réfutation, les gens vont cesser de suivre leurs erreurs. Et ils vont être reconnaissants de ça parce que ça diminue du poids de leur péché au jour de la résurrection. Parce que plus de gens te suivent dans l'égarement que tu as amené, eh bien ça rajoute du poids au poids de tes péchés, hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une sunnah, une bonne sunnah, une bonne action, eh bien il aura la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans le bien. Et celui qui fait une mauvaise action, une mauvaise sunnah, hein, eh bien il aura le poids des péchés de tous ceux qui l'ont suivi, sans que ça diminue de rien de ce qu'il a fait lui-même. Donc ça c'est pour dire, hein, ça va rien diminuer de leurs bonnes actions à eux, mais ça va augmenter soit les bonnes actions si c'est du bien, soit les mauvaises actions si c'est du mal. Et donc le fait qu'on réfute leurs erreurs, c'est un bien pour eux, et eux ils sont contents, tandis que ceux qui prétendent être en train de les suivre et qui veulent faire soi-disant les défendre, ils sont en train de faire en sorte que les péchés de ces individus-là augmentent au lieu de diminuer. Et donc ce seront leurs ennemis au jour de la résurrection. Ils vont dire, c'est à cause de vous, vous avez empêché les gens de nous réfuter et de corriger nos erreurs. À cause de vous, on a plus de péchés au jour de la résurrection. Et donc ils vont les détester au jour de la résurrection. Tandis que ceux qui réfutaient leurs erreurs et qui clarifiaient aux autres les erreurs de ces gens-là, ils vont les remercier. Ils vont dire, je vous remercie vraiment, vous avez clarifié mes erreurs pour les autres et vous avez diminué le poids de mes péchés. Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il dit ensuite, la vérité c'est que ce sont les gens de Bid'a qui sont les Khawarij, parce qu'ils sont sortis contre la charia. Hein, les Khawarij, on dit, ce sont ceux qui déclarent les gens qui font des grands péchés comme étant des kuffars, et ceux qui prennent les armes contre musulmans dirigeants, hein, parce qu'il est injuste ou des choses de ce genre. Eh bien, le cheikh il dit, ces gens-là, ils nous traitent de Khawarij alors qu'on n'a rien à voir avec les Khawarij. Mais en réalité, les gens de Bid'a, ce sont eux les Khawarij. Ceux qui nous accusent d'être des Khawarij, ce sont eux les Khawarij. Parce qu'eux, ils ne sont pas sortis, même si parfois ils sortent contre les dirigeants, parfois ils ne sortent pas contre les dirigeants. Mais même quand ils ne sortent pas contre les dirigeants, ils sortent contre la charia elle-même, contre la révélation, avec leur passion. C'est comme s'ils essaient de renverser la sunna, renverser la charia avec leur passion. Ils veulent faire un coup d'état à la sunna, hein, et renverser la sunna, hein, et prendre la sunna d'assaut, hein, et mettre à la place de la sunna leur bid'a, hein. Et ça c'est ça le danger. Et donc c'est pour ça que certains ulama les ont appelés des khawarij, hein. Il y a des salafs qui ont dit ahlul bid'a kulluhum khawarij, ahlul ahwa kulluhum khawarij, hein, sont tous des khawarij. Et l'imam, le cheikh il mentionne les paroles de Abul Wafa ibn Aqil dans son livre Al-Funun, hein. Je ne sais pas combien, il paraît que ce livre-là, Al-Funun, il faisait je ne me rappelle plus combien de volumes, mais il faisait peut-être des centaines de volumes si je me rappelle bien. Et malheureusement, il a été perdu et il n'y a que des restes, hein, de ce livre, peut-être un ou quelques volumes comme ça. Et dans son livre Al-Funun, le volume 1, la page 109, hein, il y a une partie qui a été publiée, je crois. Et dans ce livre-là, il dit quoi? Il dit, le pardon, ou la compassion n'est pas une bonne méthode à utiliser dans la politique d'un pays, hein, ou d'un État contre ceux qui essaient de se rebeller contre le dirigeant. De même qu'il n'est pas correct aussi d'utiliser de la compassion envers ceux qui font des bid'ah dans la religion, et qui, parce que ces gens-là, ils veulent corrompre la religion et ils veulent innover et corrompre. Hein? De la même façon que ceux qui veulent essayer de faire des coups d'État et renverser le gouvernement, eh bien, les Mubtadi'a, eux, ils sont des Khawarij contre la révélation et contre la législation divine qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a fini ici avec le premier point. À ce sujet-là, c'est un point très important que peu de gens, malheureusement, comprennent. Et il y a cette tentative de faire un islam hippie, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les hippies, hein. Peace and love. Ils veulent que tout soit rose et que tout soit peace and love et qu'on ne parle pas des erreurs et qu'on ne corrige pas les erreurs et qu'on aime tout le monde. Ça, c'est pas réaliste. Ça, c'est pas la réalité. C'est pas pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il nous a créés. Il a créé des gens qui sont pour la vérité. Il a créé des gens qui sont pour le mensonge. Et il a fait ça dans le but qu'il y ait une épreuve. Dans le but qu'il y ait un test. Hein, entre les hommes. Et si tout le monde était correct et gentil et beau et croyant et mu'min, on ne serait pas sur terre. On serait au paradis. Allah, il a voulu justement qu'on soit sur terre pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve les uns contre les autres. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ » On vous a fait les uns pour les autres une fitna, une épreuve les uns pour les autres. Est-ce que vous allez être endurant? Est-ce que vous allez être patient? Vous voulez qu'il n'y ait plus d'épreuves? Vous voulez que tout le monde soit main dans la main comme si on est tous des alliés alors qu'il y en a qui sont pour le mensonge et d'autres qui sont pour la vérité? On ne peut pas mettre ces choses-là à égalité. Il faut qu'il y ait un conflit. Et quand il faut qu'il y ait le conflit. Et le conflit, il existe et on ne peut pas le nier. On ne peut pas faire semblant qu'il n'existe pas. Donc s'il existe, il faut y remédier. Et la façon d'y remédier, c'est de clarifier la vérité et le faux. Et si certaines personnes décident de suivre le faux et d'autres suivent la vérité, ça c'est l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut que la vérité soit clarifiée pour que celui qui veut suivre la vérité, hein, il va la suivre avec preuve, et celui qui veut suivre le mensonge, il va le suivre avec preuve également de son égarement. Il a rejeté la preuve, hein? Et donc il va périr, mais en pleine connaissance de cause. Il n'aura plus d'excuses parce que la preuve a été établie contre lui au jour de la résurrection. Le cheikh il dit akhtaru min al-yahudi wa al-nasara, plus dangereux que les juifs et les chrétiens, hein. Le cheikh il explique maintenant qui est plus dangereux que les juifs et les chrétiens pour les musulmans. C'est les gens de bid'ah. Hein? Il va expliquer quelle catégorie et pourquoi. Le cheikh il dit dararu ahli al-bid'ah al-mukaffirah al-mudillah 'ala al-muslimin a'zam min darar al-yahud wa an-nasara. Fa in ha'ula al-mubtadi'ah yufsidun al-qulub ibtida'an amma al-yahud wa an-nasara wa ahli al-harb li diyar al-muslimin ففسادهم للقلوب لا يكون إلا تبعا وفساد اليهود والنصارى ظاهر لعامة المسلمين وأهل البدع فإنه لا يظهر فسادهم لكل شخص. Le cheikh il dit, il cite les paroles de Ibn Taymiyyah dans le volume 28 à la page 232. Ibn Taymiyyah il dit que le mal qui vient des gens de bid'ah et la catégorie de bid'a qui atteint le niveau de kufr, hein, parce qu'il y a des degrés de bid'a. Il y a des bid'a qui sont shirk, il y a des bid'a qui sont kufr akbar, qui font sortir de l'islam, et il y a des bid'a qui sont dans d'autres degrés plus bas, qui ne font pas nécessairement sortir quelqu'un de l'islam. Donc la catégorie des gens de bid'a qui sont dans la catégorie de kufr, hein, et ben cette catégorie de bid'a et des gens qui suivent cette catégorie là comme les Jahmiyyah par exemple, eh bien, ceux-là, ils sont plus dangereux pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils corrompent le cœur directement. En partant, ils commencent par le cœur et ils commencent à corrompre le cœur avec leur bid'ah et avec leur shubuhat et les doutes qu'ils essaient de lancer sur les musulmans. Tandis que les juifs et les chrétiens et les gens qui viennent faire la guerre contre les musulmans, comme les colonisateurs et les envahisseurs, ainsi de suite, parmi les koufars, hein, leur danger, c'est-à-dire le danger et la corruption qu'ils font dans les cœurs des musulmans, c'est quelque chose qui vient par la suite, hein, qui vient à la suite. C'est pas quelque chose qui commence directement, ils commencent pas directement par les cœurs, ils commencent physiquement à essayer de prendre le contrôle sur les musulmans, puis ensuite, petit à petit, ils essaient de corrompre les cœurs. Tandis que les gens de bid'a, eux, ils attaquent droit au cœur du premier coup. Et il dit que la corruption des juifs et des chrétiens, elle est apparente. Pour tous les musulmans, qu'ils soient savants ou qu'ils soient des gens ordinaires, ils les voient, ils savent tout de suite que ce sont des gens qui veulent faire la corruption et le désordre. Hein? Il n'y a personne aujourd'hui qui va douter de la corruption ou de l'égarement des juifs en Palestine ou bien des chrétiens ou des autres koufars dans le monde. Il n'y a personne qui va douter de ça, qui va remettre ça en question. C'est clair, c'est apparent. Leur religion, tout le monde sait que c'est une religion de fausseté et d'égarement et de shirk, hein, et de kufr. Mais quand quelqu'un t'arrive au nom de l'islam et il parle قال الله قال رسول الله qu'il est habillé comme quelqu'un qui est musulman et qui parle la langue du Coran et de la Sunna, hein, et qui parle la langue de la révélation et qui s'exprime avec les termes de la Sharia, hein, et qui te dit des choses qui sont en opposition avec l'islam et en opposition avec le Coran et la Sunna, ça c'est une beaucoup plus grande fitna pour les gens, hein, parce que la fitna des gens de bid'a et l'égarement des gens de bid'a, elle ne peut pas apparaître aussi clairement pour tout le monde, contrairement à la fitna et à l'égarement des koufars et des juifs et des chrétiens par exemple. Donc c'est pour ça que c'est dangereux, et plus dangereux que pour les chrétiens, hein? Parce que les chrétiens, tu vas t'en méfier, tu vas faire attention, hein? Malgré qu'il y a certains groupes de musulmans aujourd'hui qui considèrent les chrétiens et les juifs comme étant des croyants, hein? Et qui leur font plus confiance à eux qu'aux musulmans. Hein? C'est comme ceux qui disent par exemple, ah, les pays de Kufr sont des pays musulmans et les pays musulmans sont des pays de Kufr, et ils disent les koufars sont en meilleur comportement que les musulmans et ils sont meilleurs que les musulmans, et donc ils disent regardez les koufars, ils ont par exemple telle qualité, ils sont disciplinés, ils sont bien organisés, ils respectent ils sont ponctuels, ils sont ci, ils sont ça. Mais il y a un problème dans la façon dont ces gens-là regardent les choses, et c'est dû souvent à leur ignorance de l'islam et du tawhid. Hein? Parce que quand ils regardent les koufars, ils voient tout de leur bon comportement, excepté leur shirk. Hein? Ils voient tout de leur bon comportement, excepté le plus grave, qu'est-ce qu'il y a en eux, c'est le shirk, qui détruit toutes les bonnes œuvres. Et quand ils regardent les musulmans, ils regardent toutes leurs fautes et leurs péchés, sauf leur tawhid. Hein? Ils regardent tous les erreurs et les fautes et les péchés des musulmans, mais ils négligent toujours leur tawhid, hein? Et leur islam et leur tawhid. Donc c'est comme si en réalité, ces gens-là, ils renversent toute la religion à l'envers. Les koufars, ils regardent tout sauf leur shirk, et les musulmans, ils regardent tout sauf le tawhid. Et le tawhid, ça efface tous les péchés. Et si, même si quelqu'un a fait des péchés et qu'il meurt, mais qu'il n'a pas fait de shirk ni de kufr et qu'il rentre en enfer, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Tandis que le mushrik et le kafir, peu importe le bien qu'il a fait, s'il a fait le shirk ou le kufr et qu'il rentre en enfer, il ne va jamais sortir. Même si c'était le plus généreux, le plus gentil, le plus ponctuel, le plus poli, le plus ci, le plus ça. Même s'il était le plus organisé, le plus civilisé, le plus développé scientifiquement ou développement, peu importe. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dénigrer ton frère musulman qui est sur le tawhid et sur la sunna. Hein? Peu importe quel... bien entendu tu lui donnes le nasiha, mais de dire que le kafir est meilleur et que les pays de kufr sont meilleurs, là il y a un problème dans l'aqida, il y a un problème quelque part. Hein? Donc ça c'est un détail, mais c'est important et c'est fondamental en fait. Et le cheikh il dit قال شيخ الإسلام إن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر. Le cheikh il mentionne cette parole par l'intermédiaire du livre Tariq al-Wusul à la page 251. Il dit que Cheikh l'Islam a dit la plupart des gens de bid'a sont des munafiqoun, d'une catégorie de nifaq ou d'hypocrisie qui est majeure. Hein? Et après il dit ولهذا نبه العلماء على إنكار منكر المبتدعة أولى من إنكار دين اليهود والنصارى بل إن أئمة الهدى يرون أن انتزاع مدرسة شرعية من مبتدع أفضل من انتزاع بلدة من الكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن صلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي وقال أخذها منه أفضل من أخذ عكا. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que les ulama ont noté à ce point-là que de dénoncer et de réfuter les erreurs des mubtadi'a à précédence est plus important que de réfuter et de dénoncer la religion des juifs et des chrétiens. Hein? comme pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, que leur danger est plus grand pour les musulmans que le danger des kuffars et des juifs. Hein, les juifs et des chrétiens et les autres kuffars. Hein, il y a des gens aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Ils disent, ah, regardez. Hein, hier ou avant-hier, je passais devant, parce que je suis allé faire la prière dans une, à l'université, dans une université, il y a une salle de prière, je suis passé par là, alors j'ai fait la prière là-bas. Et il y avait justement une conférence sur la Palestine organisée par un groupe, soi-disant des défenses des droits des Palestiniens, ainsi de suite. Bien entendu, c'est des musulmans, ou bien c'est des arabes chrétiens, ou arabes laïcs, ou je sais pas quoi. Puis il y a des musulmans avec eux. Et puis, qu'est-ce qui est étonnant de voir, c'est que ces gens-là, subhanallah, ils veulent défendre la Palestine, soi-disant. Et puis tu vois, par exemple, à l'entrée de l'auditorium, les jeunes femmes et les hommes mélangés, et les jeunes filles, on voit leur corps, avec, ils n'ont pas de hijab, rien, et puis ils ont le foulard palestinien dans le cou. Et puis, eh ben, tu vois quoi? Tu dis quoi? Est-ce que c'est de cette manière qu'on va donner la victoire à la Palestine? En faisant le tabarruj, en faisant l'ikhtilat, en suivant les voies et les modes de vie des juifs et des chrétiens, on va avoir la victoire en Palestine et qu'on va reprendre la Palestine en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu veux aider tes frères en Palestine et tu désobéis à Allah pour le faire? Quelle logique? Où est-ce qu'elle se tient cette logique? Hein? Tu ne peux pas les aider de cette manière. La façon dont tu veux aider les Palestiniens, tu veux aider les musulmans en Palestine, tu veux aider la cause de tes frères en Palestine, commence par appliquer sur toi-même l'islam, le Coran et la sunna et le tawhid, et à obéir à Allah et à t'écarter des péchés. Et ça, c'est la meilleure manière comment Allah va donner la victoire aux croyants. Parce que Allah il dit « Wa man nasru illa min indillah ». La victoire, elle ne vient pas de ton nombre, elle ne vient pas de ta force, elle vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va pas te la donner, excepté s'il est satisfait de toi, dans ta religion et dans ta pratique et dans ta compréhension. Hein? Et donc c'est pour ça. Et tant qu'on n'accepte pas le fait que Allah nous a punis pour nos péchés et qu'il a mis les juifs au-dessus de nous à cause de nos péchés, on va jamais sortir de cette situation dans laquelle on est actuellement. C'est pas les manifestations qui vont vous aider, c'est pas rien d'autre qui va nous aider. La seule chose qui va nous aider, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir au manhaj que Allah nous a ordonné de suivre, le Coran, la Sunna et la voie des salaf salih. Hein? Donc, de chanter aux droits de l'homme, ça va rien changer pour les musulmans tant qu'ils ne reviennent pas au Coran et à la Sunna. Hein? Et le cheikh il dit donc, ça c'est juste en passant, mais c'est pour dire, c'est plus important de clarifier les égarements et les erreurs des gens de bid'ah que de clarifier les faussetés de la religion juive et chrétienne. Et même les imams de la guidance, hein, ils ont considéré à l'époque que c'était plus important de retirer une école islamique de la main d'un mubtadi' que de prendre ou de retirer une ville de la main des koufars et de l'emprise des koufars. Donc, ils considéraient que d'enlever une école, hein, musulmane de l'emprise des gens de bid'ah, c'était plus important pour eux que d'enlever, que d'enlever une ville de l'emprise des koufars. Et ils mentionnent à ce sujet-là un exemple. Quand la Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans Naqd al-Mantiq, à la page 156, il dit, parmi les paroles qui ont été rapportées, hein, qui nous ont atteint, qui sont très célèbres, il y a la parole de Abu Amr ibn Salah. Abu Amr ibn Salah, c'est un des premiers qui a écrit un livre sur Mustalah al-Hadith. C'est un des premiers qui a écrit sur la science de Hadith. Un des premiers ulama qui ont catégorisé et clarifié les catégories de hadith. Il a dit, ce cheikh Ibn Salah rahimahullah, d'enlever l'école, une école qui était connue, hein, des mains de Abul Hassan al-Amidi, qui faisait partie des gens de Kalam, c'est plus important que de reprendre la ville, hein, qui s'appelait Akka. Donc d'enlever cette école que de la main des Mubtadi'a, d'enlever l'école de, dans les mains de Abu al-Hassan al-Amidi, c'est plus important que de reprendre la ville de Akka. Et donc ça c'est pour nous faire comprendre. Et le cheikh dit wa qala Hamid al-Fiqi, cheikh Hamid al-Fiqi, il disait dans la note de bas de page en bas à propos de cette parole là, il dit ay min al-ifrinj ayyam ihtilal ayyam ihtilalihim li ba'd bilad al-Sham wa Misr fi al-mi'at al-sadisa. Donc il dit, il a expliqué, il dit c'est plus important que de reprendre la ville de Akka des mains des kuffars à l'époque de l'invasion de certaines villes de la Syrie et de l'Égypte dans le 6e siècle. Donc c'est pour faire comprendre dans les années 600. Donc ça c'est pour faire comprendre le danger de reprendre de laisser les gens de Bid'a, c'est plus grand que le danger des kuffars juifs et chrétiens, ainsi de suite. Et le cheikh il dit ensuite wa qala cheikh al-islam fi siyaq raddihi ala ghulat as-sufiyya fa hadhihi maqalat amthalaha min a'zam al-batil wa qad nabbahna ala ba'd ma bihi yu'rafu ma'naha wa annahu batil wal wajib inkaruha فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارى الذي لا يضل به المسلمون. Le cheikh il dit que cheikh l'islam il dit dans le contexte d'une réfutation des extrémistes parmi les soufis dans le volume 2 à la page 359, hein, ça c'est pour montrer, hein, il y a ceux qui prétendent aujourd'hui parmi les ignorants et parmi les égarés, les gens de Bid'a qui disent que Ibn Taymiyyah était un soufi et qui essaient de dire qu'il était parmi les soufiyines. Et Ibn Taymiyyah, il a écrit deux livres. Dans Majmou' al-Fatawa, il y a le volume 10 et le volume 11 qui est spécifiquement sur la réfutation des soufiyines. Ça, c'est sans compter les autres livres qui réfutent les soufiyas. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Dans deux volumes qui font à peu près chacun de 700 pages, ils te sortent trois ou quatre petits paragraphes, quelques lignes, et puis ils te disent, regardez, Ibn Taymiyyah est un soufi. Nasallallahu al-afiyah. Comment ces gens-là, ils déforment la réalité? Et ils savent que la plupart d'entre leurs fidèles vont jamais retourner aux livres de base d'Ibn Taymiyyah et aux écrits directs. Alors, ils ne font que transmettre des choses que leurs chouyouch d'égarement ont transmis, et ils ne font que se baser sur ces critiques que leurs chouyouch ont fait. Ils ne vont jamais retourner au livre d'Ibn Taymiyyah directement pour vérifier les paroles d'Ibn Taymiyyah. Et donc ça c'est des exemples. Mais bon, il y a ici un exemple d'une réfutation d'Ibn Taymiyyah, et il dit ces paroles et ces exemples sont parmi les plus grandes formes de mensonges et de fausseté. Et on a averti contre certaines d'entre elles, hein, on a mis des notes à propos de certaines d'entre elles, hein, et on a clarifié leur signification, et on a clarifié que ce sont des choses fausses, et que l'obligation, c'est de les dénoncer, de les réfuter, hein, parce que de réfuter ce genre de munkar qui se diffuse et qui circule, hein, parmi beaucoup de musulmans, sa précédence, et c'est plus important que de dénoncer la religion des juifs et des chrétiens, hein? Parce que la religion est dit le cheikh alladhi la yadullu bihi al-muslimun, la religion des juifs et des chrétiens, il y en a, tu peux pas égarer par ces choses là les musulmans. La plupart des musulmans, ils vont pas se laisser égarer facilement par les égarements des juifs et des chrétiens, parce que leur égarement est évident. Mais l'égarement des gens qui se disent musulmans et qui appellent à des égarements et au shirk et à la bid'a et au kufr aussi, et ben quand c'est fait au nom de l'islam, c'est beaucoup plus dangereux, hein. Donc le cheikh il dit ensuite wa hadha al imam ahmad yara annahu yusta'anu bil yahudi wal nasara wa la yusta'anu bil jahmiyya qala al marwazi lil imam ahmad ayusta'anu bil yahudi wal nasara wa hum mushrikun wa la yusta'anu bil jahmi قال يا بني يغتر بهم المسلمون. Subhanallah. Donc le cheikh il dit, regardez l'imam Ahmed, il considère que de demander l'aide des juifs et des chrétiens, c'est permis, mais qu'on ne peut pas prendre l'aide des Jahmiyyah. T'imagines? Vous imaginez? Donc le cheikh il dit, Al-Marwazi, l'imam Al-Marwazi, un des grands imams parmi les imams des salafs, il a demandé à l'imam Ahmed, est-ce qu'on peut demander l'aide des juifs et des chrétiens, alors que ce sont des mushrikoun, et on ne prend pas l'aide des Jahmiyyah ou d'un Jahmi? L'imam Ahmed a répondu, ô mon fils, les musulmans peuvent se faire tromper par ceux-là, hein, par les Jahmiyyah, et non pas par les juifs et les chrétiens. Et même aujourd'hui, quand vous voyez par exemple les juifs et les chrétiens qui viennent dans les pays musulmans ou qui appellent les musulmans à des égarements, les musulmans ne les écoutent pas, les juifs et les chrétiens. Ils n'écoutent jamais les juifs et les chrétiens en général. Hein? Vous les envoyez chez les musulmans, les koufars, ils rentrent chez les musulmans. Les musulmans, ils ne veulent pas les écouter. Qu'est-ce qu'ils font, les koufars? Ils sont rusés. Ils vont prendre des musulmans qui connaissent l'islam, qui parlent l'arabe, hein, qui parlent la langue du Coran et qui parlent la langue des peuples musulmans, et ils les envoient porter leur message aux musulmans, et lorsque ça vient d'un musulman, ils acceptent la da'wah des koufars quand ça vient de la part d'un musulman, mais quand ça vient de la part d'un kafir, d'un juif ou d'un chrétien, ils n'acceptent pas. Et c'est ça le danger aujourd'hui des gens qui parlent au nom de l'islam, mais qui disent, qui enseignent, qui appellent à des choses qui sont contraires à l'islam. Hein? Leur danger est plus grand que le danger des juifs et des chrétiens et des koufars. Hein? Et vous allez dans un village, dans un pays musulman, où les gens sont sur la fitra et ils suivent l'islam. Hein? Et vous envoyez quelqu'un là, je sais pas moi, un chrétien, un prêtre, ou un rabbin, ou n'importe qui, je sais pas moi. Vous lui envoyez un démocrate ou un laïc pour appeler les gens à la laïcité, à la démocratie, parmi les juifs et les chrétiens. Ils vont même pas l'écouter. Mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter, celui-là? Hein? Nous, on est musulmans, on veut rien savoir de qu'est-ce que vous nous dites. Mais il leur envoie un cheikh, il leur envoie quelqu'un parmi les ikhwan ou parmi les autres soufiyin et quoi. Ils leur disent, ouais, la démocratie c'est bien, l'islam c'est le, hein, ça c'est bien, si c'est bien, la laïcité, l'égalité, et là vous les voyez, ils disent, ah ok, oui oui, c'est bien, ça c'est l'islam, ah ok, d'accord, hein, là ils acceptent, parce que c'est des gens qui utilisent la ruse et ils ont compris que le danger des musulmans c'est beaucoup plus grand que le danger des clair kuffar. Donc cette parole de l'imam Ahmed, elle est mentionnée dans Al-Adab al-Shar'iyya de l'imam Ibn Muflih dans le volume 1 à la page 256. Et ensuite il y a une citation ici de une autre, non, c'est pas une citation, c'est une parole du Cheikh Hamad Al-Uthman. Il dit, فَهَؤُلَاءِ هُمْ أَعْيَانُ وَرُؤُوسُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَهَذَا مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَقَدْ ظَهَرَ مَنْ يَلْزِمُ من يقول بهذا من العلماء المعاصرين ولا أدري لماذا لا يلمز هؤلاء أحمد وابن تيمية مع أنه قد جرى على ألسنتهم وأقلامهم إطلاق مثل هذا الوصف على بعض الجماعات الدعوية انظر كتاب الولاء والبراء. Bon, il dit ici que il dit cela, ils ont donc aujourd'hui qualifié, donc c'est l'imam Ahmed et l'imam Al-Marwazi, c'est des grands imams parmi les imams d'Ahl Sunnah, et ça c'est leur parole au sujet des gens de Bid'ah. Donc les gens d'aujourd'hui, parmi les gens de Bid'ah qui nous accusent, nous aujourd'hui les salafis, d'être des khawarij avec les du'at, qu'est-ce qu'ils diraient à propos de l'imam Ahmed et à propos de l'imam Ibn Taymiyyah? Est-ce qu'il dirait pas la même chose? Parce que Ibn Taymiyyah, il préférait réfuter les mubtadi'a parmi les musulmans que de réfuter les kuffar et les juifs et chrétiens. Est-ce qu'il dirait pas la même chose? Hein? Il dirait la même chose. Ils doivent dire la même chose. Parce que c'est ça ce qui se passe. Hein? Eux, ils nous disent, ah, mais vous, ils prennent ça. Même aujourd'hui, regardez qu'est-ce qu'ils disent, Allah Musta'an. Ils disent à propos de, maintenant ils ont inventé un nouveau mot, comme je disais l'autre dans un autre cours. Ils appellent les savants des savants des musulmans zionistes ou des savants zionistes, parce que ils interdisent les manifestations et les choses de ce genre. Hein? Et ils disent que, par exemple, les boycotts des produits des juifs et des koufars, ça c'est l'État qui doit l'ordonner, et qu'on peut pas l'imposer si l'État ne l'a pas interdit. Hein? On peut pas l'interdire si l'État l'a pas interdit. Dans le sens que si toi tu veux pas en manger, tu veux pas en acheter, ça c'est ton choix. Mais tu peux pas l'imposer à tout le monde. Sauf si le chef de l'État a dit on n'achète plus de ce pays-là. Là, de toute façon, il n'y a rien qui va rentrer. Il n'y a rien qui peut rentrer de ce pays-là ou de tel État, parce que le chef de l'État l'a interdit, et donc ça y est. Il n'y a plus personne qui va faire rentrer des containers ou des produits qui viennent de tel ou tel pays. Ça sera déjà coupé. Hein? Et personne ne pourra en acheter dans le pays non plus. Mais lorsque c'est des individus, puis ils commencent à dire il faut boycotter tel pays, tel pays, tel pays, et on se demande est-ce que ce n'est pas des altermondialistes ou des socialistes qui sont en train de faire une propagande parce qu'il y a des koufars qui répètent la même chose, hein, qui sont pas musulmans, mais ils boycottent tel ou tel produit juste parce que c'est en contradiction avec leur philosophie ou leur idéologie politique ou économique. Hein? C'est comme, en tout cas, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste des exemples. Le cheikh il dit وَهَذَا ah oui, après il dit الخلاف الحاصل, on va finir avec ça. Le cheikh il dit inshallah الخلاف الحاصل بالردود أهون من انتشار البدع والأخطاء. Il dit que la divergence qui va être diffusée ou qui va arriver à cause des réfutations est moins grave que le fait de voir se répandre les bid'a et les erreurs. Hein? C'est vrai que lorsqu'on fait des réfutations, ça amène des divergences. Mais cette divergence-là, son mal est moins grave que le fait de voir se répandre les bid'a et les erreurs. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils sont attachés émotivement, ils aiment quelqu'un. Et quand tu dis à quelqu'un, tu dis à cette personne que celui qu'elle aime a fait une erreur, il se laisse aller par ses sentiments et ses émotions pour cette personne et son amour pour cette personne, et il veut la défendre aveuglément. Peu importe, hein? Non, tu peux pas le critiquer, tu peux pas dire ça à son sujet, ça se peut pas. Hein? Arrête, critique-le pas, il est bon, il a fait beaucoup de bien, il aide les musulmans, il aide l'islam, il fait la da'wa, regarde comment il réfute les chrétiens, regarde comment il réfute les juifs, regarde comment il défend les musulmans, regarde comment il parle à la télévision, regarde comment il dit ci, comment il dit ça, il faut pas le critiquer. Regardez, là, ça c'est exactement la même attitude par rapport à Tariq Ramadan. Hein? Du moment que tu critiques Tariq Ramadan, tu peux montrer aux gens, regardez, il a cette erreur gros comme une, cette erreur qu'il a fait, c'est gros comme une montagne. C'est pas une petite erreur dans les règles d'ijtihad, c'est une grosse erreur dans les fondements de l'aqida et dans les fondements de l'islam. Hein? Quand on dit par exemple qu'il croit qu'il y a des choses qui connaissent le rêve, hein? Ou bien qu'il croit en wahdatul wujud, ça c'est des graves erreurs, ça rentre dans des questions des fondements du tawhid, il contredit la voix du tawhid. Et tu leur dis ça, ils disent ah mais arrête de le critiquer, il parle à la télévision, il défend l'islam, il affronte les laïcs et les démocrates et les juifs et les chrétiens, il les affronte dans les émissions télévisées. Hein? Oui, c'est vrai, il fait ça, mais premièrement il le fait mal parce qu'il a pas il le fait pas sur les bases de l'islam, il défend pas l'islam en se basant sur les bases de l'islam, il défend l'islam en se basant sur les lois des koufars, hein, et selon leurs principes à eux et leur dialogue à eux. Donc il rentre dans leur jeu pour essayer de défendre l'islam, et bien entendu ça c'est pas défense de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam défendait pas l'islam par le shirk ou par le kufr, il défendait l'islam par le Coran et par la sunna, hein. Donc ça c'est de un. Deuxièmement, même si il se défend plus lui-même que l'islam, il défend plus sa propre personne que l'islam. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Mais non seulement ça, mais il amène les musulmans dans l'égarement, hein, avec ses idées et ses paroles. Hein. Et le fait de dire que parce que quelqu'un soi-disant est en train de faire quelque chose, on peut plus le critiquer parce que soi-disant il défend l'islam, ben ça veut dire quoi ça? Ça veut dire n'importe quel égaré, n'importe quel juif ou chrétien, hein, peut faire semblant de se convertir à l'islam, commencer à dire je défends l'islam, et puis au nom de ça, on devrait cesser de le critiquer, même s'il propagerait ou il ferait la propagation des choses qui sont en opposition avec les fondements de la religion et les fondements de l'islam. Non, ça, ce serait trop facile pour eux. Hein? On leur laisse la porte ouverte pour déformer l'islam de l'intérieur. Donc, le cheikh, il dit que le mal qui vient de réfuter ces gens-là, il est plus petit que le mal de la bid'a et des erreurs qui sont propagées. Et ça, c'est très important de le comprendre. Hein? C'est vrai que peut-être il essaie de défendre l'islam du mieux qu'il le peut, mais il fait plus de tort que de bien, et il faut, même s'il le faisait bien, même s'il le faisait à 100% et qu'il était correct dans sa façon de le faire et qu'il utilisait les bonnes bases pour le faire et qu'il avait des erreurs, il faudrait quand même clarifier ces erreurs-là, pas pour lui, pas pour l'attaquer lui, pour protéger les musulmans et l'islam et la charia. Hein? C'est l'honneur de l'islam et de la charia qui est en jeu. Protéger la umma de l'égarement, c'est pas pour lui, c'est pas seulement pour le corriger lui, c'est pour corriger les autres qui risquent de le suivre. Parce que souvent, la personne que tu critiques parmi les égarés, des mubtadi'a, ils reviennent rarement à la vérité. Ils reviennent parfois, mais c'est très rare. Le danger, c'est pas pour eux seulement, c'est pour ceux qui les suivent dans leur égarement. Hein? Et eux, ils ne savent pas leurs erreurs. Et si on se tait et on ne corrige pas l'erreur, ils vont rester dans l'égarement. Donc le cheikh il dit وَهَذَا بَابٌ يَشْتَبِهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عَوَامِ الْمُسْلِمِينَ وَأَشْبَاهِهِمْ يَقُولُونَ مَا لِلْعُلَمَاءِ يَقَعُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. Hein? Il dit ça, c'est un chapitre, c'est un sujet qui confond beaucoup de, ça confond beaucoup de musulmans et beaucoup de gens ordinaires parmi les musulmans qui n'ont pas compris la science de l'islam et des choses de ce genre. Ils disent, pourquoi les ulama ils se critiquent toujours les uns les autres, hein? Il y a ces gens de cette catégorie-là parmi les gens, vous voyez. Ah, mais comment ça se fait? Les musulmans, ils sont toujours en train de se critiquer les uns les autres. Et les savants, ils sont toujours en train de se réfuter les uns les autres. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à ce manhaj et à cette religion, malheureusement. Parce qu'il faut qu'il y ait une défense de la vérité. Et c'est ça, ça fait partie de l'épreuve. Ça fait partie du test que Allah nous fait passer sur cette terre. Il dit وأنصاف المتعلمين أيضا يطلبون الكف عن الرد على المخطئين والمبتدعة طلبا للوحدة والاتفاق وما علموا أن البدع والأخطاء والسبل هي داعية الفرقة والمخرجة للناس عن صراط المستقيم. Le cheikh il dit, et il y a même parmi les gens qui sont parmi les gens cultivés et éduqués, hein, qui demandent qu'on cesse les réfutations de ceux qui font des erreurs et qui font des bid'ahs, et qui demandent l'unité et l'accord, hein, de se mettre en accord et d'être tous ensemble. Hein. Et il y en a des frères qui viennent me voir, qui me disent, écoute mon frère, écoute Souleyman, il faut qu'on travaille avec ceux-là, il faut qu'on travaille avec lui, il faut qu'on fasse ça avec lui, il faut s'unir, il faut unir les efforts. Oui, mais, subhanallah, regardez ce gars-là, regardez cette personne à qui tu me demandes de m'unir. Tu veux que je m'unisse avec lui. Regarde à quoi il appelle. Regarde à qui il s'associe. Regarde comment il fait ces choses. Comment tu veux que je m'associe avec un individu pareil? Lorsqu'il va cesser d'agir de cette manière, et qu'il va corriger ses erreurs, je vais travailler avec lui. Et je vais m'unir avec lui sans problème. Parce que de s'unir, c'est pas un objectif en soi. C'est un moyen. Et si tu dois déplaire à Allah pour arriver à t'unir, eh bien ça, c'est pas permis. Il faut s'unir sur la vérité. On n'a pas le droit de s'unir sur le mensonge et sur l'égarement. Hein? Sous prétexte qu'on veut faire avancer la da'wa. Oui, mais on veut faire avancer la da'wa avec qui et vers quoi? Et est-ce qu'on le fait pour plaire à Allah ou bien pourquoi? Pour plaire à qui? Si on veut le faire pour plaire à Allah, il faut le faire selon les règles. Hein? Et donc le cheikh il dit, ils n'ont pas compris ces gens-là que la bid'a et les erreurs sont les voies qui amènent la division. Donc tu veux unir les gens en disant qu'il faut cesser de réfuter les erreurs et les bid'a, alors que qu'est-ce qui amène les divisions? C'est les bid'as et les erreurs. Donc c'est une contradiction en fait que ces gens-là font. Hein? Donc toutes les voies qui amènent à la division partent des bid'as et des erreurs. Hein? Et c'est ça ce qui fait sortir les gens du droit chemin. وَمَا أَتُّلْقَ الْمُعْوَجَّةِ لَا يَحْسُلُ اِتِّلَافَ أَبَدًا. Il dit, si tu suis les voies qui sont tortueuses et qui sont déviées, tu ne vas jamais réussir à unir les gens. Chacun suit sa voie d'égarement. Comment on va unir les gens là, de cette façon-là? Le cheikh dit ensuite, ثُمَّ لَوْ قُدِّرَ. Il y en a qui pensent que pour que les musulmans soient unis, il faut que tous les musulmans sur la terre soient tous d'accord. Et que s'ils ne sont pas tous d'accord, on n'est pas unis. Mais ils oublient que les gens d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et les gens qui suivent le manhaj des salafs, eux, ils sont unis, ils ont toujours été unis, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais été divisés. Hein? Ils n'ont jamais été divisés dans les fondements de leur croyance et dans l'islam. Ceux qui sont divisés, c'est les gens de Bid'ah. Mais eux, ils pensent que le fait que yani, tous les musulmans, ils calculent tous les gens de Bid'ah et tous les groupes et toutes les déviations. Eux, ils calculent ça. Hein? Et eux, c'est, bien entendu, ce ne sont pas des gens qu'on calcule hein, dans le calcul, puisqu'ils ne veulent pas revenir à la vérité, ceux-là. Le cheikh, il dit, ثُمَّ لَوْ قُدِّرَ أَنَّنَا أَجَبْنَاهُمْ لِطَلَبِهِمْ فَإِنَّ الْإِخْتِلَافِ لِمَنْ لَنْ يَرْتَفِعْ لِأَنَّ اللَّهَ قَضَاهُ كَوْنًا فَالْوَاجِبُ رَدُّ الْبِدَعِ وَلَحْطَاءِ صِيَانَةً لِلْشَّرِيعَةِ مِنَ التَّحْرِيفِ. Le cheikh il dit, même si on suppose qu'on va répondre à leur demande de cesser les réfutations des erreurs et des bid'as, est-ce que ça va faire enlever les divisions? Est-ce que ça va se faire cesser les divergences? Non. Pourquoi? Parce que Allah il a décrété qu'il y allait avoir des divergences dans le monde. Il l'a décrété. Le fait qu'il l'a voulu et qu'il l'a décrété, ça implique que nous, on a comme obligation de réfuter les innovations et les erreurs. C'est pas que Allah l'a décrété, on l'accepte. Non. Allah l'a décrété, et donc on le combat. Et on réfute les erreurs et on réfute les bid'ah. Et on déclare la guerre aux bid'ah. On déclare la guerre aux erreurs. Et on déclare la guerre aux shirk. On déclare la guerre aux kufr. C'est ça notre combat, c'est ça notre guerre. Et le cheikh il dit que donc même si on disait ok, on va plus réfuter les gens d'erreur et les gens de la bid'ah, il va toujours y en avoir, et donc on doit continuer à combattre dans le but de défendre et de protéger la sharia contre toute déviation et déformation. Le cheikh il dit wa qala asim al ahwal li qatada ala ara al ulama yaqa'u ba'dhum fi ba'd fa qala ya ahwal أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. Et regardez ça, cette parole de l'imam qui est rapportée dans Usul i'tiqad Ahl al-Sunnah wal Jama'a, l'imam al-Lakai, volume 1, à la page 154. C'est la citation numéro 256. Il dit que Al-Asim Al-Ahwal, il a demandé à Qatada, un des tabi'in, il dit, pourquoi je vois que les ulama se critiquent toujours et ils se réfutent les uns les autres? Eh bien, Qatada, il a répondu, il a dit, Ya Ahwal, ne sais-tu pas que lorsque quelqu'un fait une bid'ah, hein, lorsque une personne fait une bid'ah, il faut qu'elle soit mentionnée pour qu'on puisse en être prévenu et qu'on puisse connaître son danger, hein? Donc on voit tout de suite la réponse des ulama, des salaf, comment ils voyaient les choses. C'est dans le but de protéger les musulmans et protéger la charia. C'est pas parce que toi t'aimes quelqu'un, on doit laisser la charia s'écrouler et se détruire à cause de ton amour pour un individu, hein? Cet individu là tu dois l'aimer pour Allah, pas pour elle-même. Et donc si elle fait des erreurs, tu dois corriger son erreur. La cheikh il dit, ويقول الشاطبي في الرد على المخطئين والمبتدعين فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين والخوف إذا كان سبب التعيين الخوف من التفرق والعداوة ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شيعهم واتبعهم وإذا تعرض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما وبعد الشر أهون من جميعه وقطع يد المتآكلة وقطع كقطع اليد كقطع اليد المتآكلة وإتلافها أسهل من إتلاف النفس وهذا شأن الشرع أبدا يطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل. Donc le cheikh il mentionne par la suite les paroles de l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam à la page 229, le volume 2. Il dit au sujet de la réfutation des gens qui font les erreurs et des gens qui font des bid'ah, il dit ces gens-là, il faut qu'on mentionne leur nom. Hein. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui disent par exemple, ah, tu peux réfuter l'erreur, mais tu ne dois pas mentionner le nom de la personne. Et en réalité, ça dépend. Ça dépend des cas. Si c'est quelqu'un qui est sur la sunna, et c'est une personne respectée qu'on connaît, et qui est connue pour le fait qu'il aime la vérité, tu veux pas tu veux pas faire un scandale et l'insulter publiquement, le montrer son erreur publiquement, pour le mettre dans la honte, non, ou dans la gêne, non. Tu vas le réfuter, mais sans mentionner son nom, juste pour qu'il puisse voir son erreur, puis qu'il revienne de cette erreur-là. Hein? Donc les ulama, dans des cas comme ça, ils utilisent la sagesse. Hein? La sagesse, dans ce cas-là, c'est d'agir de cette manière. Dans d'autres cas, la sagesse, c'est de mentionner le nom de l'individu en question pour que les gens puissent savoir réellement qui il est. Pourquoi? Parce qu'on a donné le conseil à cet individu-là pendant longtemps. On lui a expliqué l'erreur qu'il a faite. Malgré ça, il persiste dans son erreur. Il refuse de revenir à la vérité. Et donc, dans des cas pareils, il faut que les gens connaissent cet individu-là pour pouvoir s'en méfier et qu'ils soient avertis. Donc, dans des cas pareils, on doit mentionner le nom parfois. Et c'est pas vrai comme certaines personnes qui disent, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des réfutations, il disait, « Ma balu aqwamin » Hein? Qu'est-ce qui... C'est-à-dire il parlait des gens qui avaient fait certaines choses et il ne mentionnait pas directement leur nom. Hein, il disait « Mabal ou Aqwamin ». Et ça, c'est dans certaines situations, mais dans d'autres cas, il réfutait des gens, il mentionnait directement le nom dans certains cas. Et donc, il ne faut pas prendre ça comme une règle générale qu'on n'a pas le droit jamais de mentionner le nom. Parce que ça, ce n'est pas correct. Ça revient à l'ijtihad d'une personne et ça revient aussi à la sagesse. Quand est-ce que la sagesse nous demande de ne pas mentionner le nom et quand est-ce que la sagesse nous demande de mentionner le nom? Quand est-ce que ça va faire plus de bien de mentionner le nom? Quand est-ce que ça va faire plus de bien de ne pas mentionner le nom? Ça, c'est des choses qu'on doit prendre en considération. Donc le cheikh il dit il faut, hein, le cheikh il dit mentionner ces gens-là et faire connaître aux gens ce qu'ils font. Et pourquoi? Parce que sinon ça va ramener du mal aux musulmans si on les laisse. Hein? Et le mal qui vient du fait qu'on les mentionne et qu'on dit qui ils sont, il est plus petit, hein, que le mal que le mal qu'ils sont en train de propager. C'est-à-dire, c'est vrai que de mentionner leur nom, ça peut faire de la fitna, ça peut faire du mal. Mais le mal de leur bid'a et le mal de leur égarement est plus grand et plus dangereux que le mal qui peut venir du fait de mentionner leur nom ou de mentionner la fitna qu'ils font. Hein? Et donc c'est pour ça que dans certains cas il faut voir lequel des deux est plus grand parmi les mâles et tu prends le moins grand des deux et c'est dans ce cas-là de les mentionner, ces individus-là. Et donc le cheikh il dit لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. Ça, c'est, c'est-à-dire le mal de, qui vient de, du fait de les mentionner, hein, eh bien, ça, c'est rien par rapport au mal qui touche les musulmans si on les, si on les laisse. Hein, parce que si on prétend que la raison pour laquelle on refuse de mentionner ces gens-là, c'est parce qu'on ne veut pas faire. Parce qu'on a, on a peur de la division, ou on a peur de l'animosité, hein, et on a peur de les mentionner. Si c'est ça notre excuse pour pas les mentionner, dans ce cas-là, c'est pas une excuse valable, parce que le mal qui vient de les mentionner est moins grand que le mal de l'égarement qu'ils propagent parmi les musulmans. Et le cheikh, il explique ici que il n'y a pas de doute, il dit wala shak an tafarraq bayna al muslimin bayna da'ina lil bid'a wa wahdahum idha uqima alayhim ashal min at tafarraq bayna al muslimina wa bayna da'ina wa man shay'ahum wa tab'ahum wa idha ta'arada dararan fal murtakibu akhaffuhuma wa ashaluhuma wa ba'du ash-sharr ahun min ba'd. Donc il dit que c'est vrai que peut-être ça peut amener une division entre les musulmans et les gens qui appellent à la bid'a eux-mêmes et également les gens qui les suivent et qui les défendent, mais cette division-là, c'est moins grand que de voir les musulmans se diviser entre eux à cause de ces bid'a. Et quand tu peux comparer les deux mâles et que tu vois qu'il y en a un qui est plus facile, plus moins grave que l'autre, eh bien tu prends le mâle qui est moins grand, hein, des deux. Comme par exemple, le cheikh dit que si tu as ta main qui est en train de te manger, c'est-à-dire tu as une main qui est infectée ou qui a une gangrène, hein, tu es obligé de la couper. Parce que si tu la coupes pas, tout ton corps va s'infecter et tu vas mourir. Donc c'est mieux de perdre ta main que de perdre ton corps au complet. Et donc ça, c'est l'exemple que le cheikh il dit que dans ce cas-là, il y a un mâle qui va être moins grand qu'un autre. Et le mâle, c'est de perdre ta main. Hein? Et donc ça, c'est moins grave que de perdre ta vie au complet. Et donc on peut, dans l'islam, dans des cas comme ça, faire quelque chose qui va être un mal pour éviter un plus grand mal. Et ça, ça fait partie des principes également de la charia. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera ça la semaine prochaine. On va finir la semaine prochaine, inshallah, samedi, ce chapitre. Ça, c'est le chapitre 1 dans le livre. Et on commencera le chapitre 2, qui est, en fait, on a fini presque le livre. Il reste, par exemple, une trentaine de pages. Donc, on va finir ça, inshallah, bientôt. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليه وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et demain on a le dars à la même heure, inshallah, sur le sharh du hadith de Jibril. Et on est dans le chapitre de Al-Iman Bil-Qadar. Donc inshallah, à demain pour ceux qui peuvent. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.